Bonjour Xavier. Vous parlez français ? Oui, bien sûr. Et je parle anglais aussi. Bon, je me présente. Je m'appelle Xavier Dolan. Je suis canadien. Et je suis acteur et réalisateur. Très bien. Et vous, Saïdou ? Je m'appelle Saïdou Abacha. Je suis camerounais. Je suis humoriste et acteur.